Écoutez, soigne ta gauche. Et nous sommes le troisième jeudi du mois. Cet angle d'attaque, c'est l'émission d'Attaque, l'association, pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Cette émission est enregistrée en direct le soir de la fête de la musique pluvieuse. Au programme aujourd'hui, après l'actualité d'Attaque que nous présente René, bien entendu, Rio plus 20. Un mot quand même, Rio 1992, le premier sommet mondial de la Terre. 20 ans après, les grandes de ce monde se réunissent une nouvelle fois, mais dans un contexte de crise économique, de crise écologique et de crise sociale. Comment nos invités analysent cet événement? C'est ce que leur demanderont René et Germain. Nos invités, ils sont deux. Jean Gadret, qu'on ne présente plus, comme on dit, mais dont je tiens à dire qu'il a produit deux articles ces temps-ci, un article dans Le Monde diplomatique pour rappeler qu'il y a une mobilisation en France contre la dette, et un autre article sur la croissance et la mesure de la croissance avec Dominique Méda et Florence Génicatrice dans Le Monde de vendredi dernier. Deux articles qui tombent à point nommé avec le changement de gouvernement, en tout cas c'est mon avis. Gérard Gaby est le second invité. Bonsoir Gérard. C'est Jean qui a eu l'idée de l'inviter. Il n'a pas eu de mal à nous convaincre. Gérard est un vieux compagnon de lutte et on avait déjà programmé sa venue à nos trentaines. Bonsoir Christian et bonsoir à tous et à toutes. Il fait partie des incontournables, Gérard. En attendant, nous allons parler de l'actualité d'Attaque et je vais passer la parole à René. Bonsoir. Donc tout d'abord... Les activités au plan local, nous allons d'abord faire un petit point sur le collectif eau. Alors, l'objectif de la campagne du collectif est de peser sur l'île métropole communauté urbaine pour obtenir à l'automne un vrai débat public sur la gestion de l'eau. Europe Écologie Les Verts a rejoint le collectif. Bien sûr, nous avons envoyé également une lettre aux élus de LMCU. L'île métropole, communauté urbaine, une formation militante pour préparer des animateurs de réunions publiques s'est tenue le 2 juin à l'AMRES. Auquel tu as participé avec Germain, d'ailleurs. Exact, oui. Et bien sûr, une pétition circule, donc une pétition en ligne, en plus de celle papier. Je vous donne l'adresse du site, collectif.o@laposte.net ou alors sur http://collectif59o.blogspot.com. Donc le collectif O a prévu du 20 au 27 juin une semaine d'action. Donc déjà hier soir au cours de la soirée meeting, le collectif O a été présenté par Pierre-Yves Pira, qui est l'animateur, en fait. Ensuite, sont prévues des campagnes de signature de la pétition, donc déjà ce soir, durant la fête de la musique, par les objecteurs de croissance. Et le dimanche 24 juin, sur le marché d'Oisem et à la braderie des Kermes. Des réunions publiques avec projection du film Water Makes Money et ensuite débat. Ce sera le vendredi 22 juin à 18h30, salle des Célestines à Lille. Le lundi 25 juin à 18h30, salle Philippe Noiret à Oisem. Et également ce même lundi, salle Carlier-Burgot, toujours 18h30 à Seclin. Plus, et on n'oublie pas, Attaque Lille. Qui, lors de son assemblée militante du 25 juin, a prévu justement de parler de ce collectif O. C'est à 19h30 à l'AMRES. Oui, c'est toujours salle Moulin ou salle Agora, donc au premier étage de l'AMRES. Et c'est quand même quelque chose d'important. Trois soirées sur ce collectif montrent qu'il y a de la mobilisation. Voilà. Et également, enfin, le mardi 26 juin, c'est à la FAL, Fédération des associations laïques. Pardon, oui. À 18h30, 20 rue de Lille, à Roubaix. Également prévu une assemblée populaire le samedi 23 juin, place Richebay, donc toujours à Lille bien sûr, à 16h. Donc c'est à l'initiative des indignés, de Démocratie Réelle Maintenant et bien sûr du collectif O. Enfin, une conférence de presse pour clore un peu cette semaine d'action. Ce sera le mercredi 27 juin à 17h30 au cinéma L'Univers à Lille. Il y aura donc le bilan de la semaine d'action, une intervention de Nicole Taquet, qui est conseillère régionale et qui sera justement du retour du sommet des peuples de Rio. Justement, oui. Et à 18h30, projection du film Water Makes Money. Voilà. Et également, donc, on l'a appris récemment, quelques jours après cette semaine, donc le samedi 30 juin, une journée d'études des vers qui sera menée à l'Université de Valenciennes avec l'intervention de Raymond Avrillier, qui est conseiller municipal vert à Grenoble. D'accord, c'est important puisque, on le rappelle, hein, tu l'as dit tout à l'heure, Europe Écologie des Verts a rejoint le collectif. Et c'est une très bonne chose. Nos autres actions locales, donc c'est la lettre que nous avons envoyée aux candidats des législatives au sujet de leur position vis-à-vis du pacte budgétaire. J'en dirai un mot après, lors des lectures. D'accord. Dans la troisième partie de l'émission. Donc nous avons déjà plusieurs retours de candidats de différentes formations politiques. Et pour rappel, donc nos actions précédentes. Donc le 12 mai, c'était l'anniversaire de la naissance du mouvement des indignés. Donc avec ici à Lille dans l'agglomération lilloise plutôt, marche au départ de Villeneuve-d'Ascq et Roubaix, prise de parole et animation place Richebay à Lille. Le 12 juin a eu lieu une réunion d'information sur le pacte budgétaire à la FAL de Roubaix avec intervention de Jean Gadré. Et le 20 juin, c'est-à-dire hier, c'était donc la soirée meeting, 4 heures pour le bien vivre sur une planète préservée, contre le néolibéralisme vert, la dette, l'austérité et le pacte de stabilité. Donc c'était salle du gymnase à Lille. Donc on a eu une première table ronde donc sur les enjeux du sommet des peuples de Rio plus 20. Avec nos invités de ce soir. Voilà. Ensuite, le meeting international sous la présidence de Myriam Bourgi du CADTM international. Et notamment avec la présence de Suzanne Georges, qui est présidente d'honneur d'ATTAC. Et enfin, deuxième table ronde. Justement, on a abordé le thème de l'eau, un bien commun. Donc avec Jean-Luc Touly, qui est l'auteur de l'ouvrage « L'eau des multinationales, vérités inavouables ». Et Pierre-Yves Pira, donc l'animateur de notre collectif, qui a justement présenté le collectif pour le retour en régie publique de l'eau sur la métropole lilloise, ici à l'Assemblée. René, tu oublies notre camarade de Belgique, M. Van Kersbilk, du syndicat exact, belge, qui a participé, lui, donc, à la deuxième table ronde. Oui. Juste une petite question. Est-ce que parmi nos invités, l'un d'entre vous veut-il faire un petit commentaire ou faire part de ses impressions sur la soirée meeting d'hier ? Je pense qu'on est plutôt là pour parler de l'avenir, mais en deux mots, puisque tu poses la question, c'était une réussite. Il y avait du monde et un débat d'un très grand intérêt. Oui, je crois aussi, oui. Oui, je crois aussi qu'il faut féliciter Vladimir Nedu, qui a fait un travail remarquable de préparation pour l'organisation de ce meeting. Avec d'ailleurs un temps un peu fort, hein, c'est l'entrée des sans-papiers, hein, qui en fait a... pas redynamisé parce que les gens ne dormaient pas, mais oui, apporter un plus en fait. Un plus. Mais ça a donné du nombre. Voilà, disons. C'est ça. René continue. Alors, au plan national, toujours les activités d'ATTAC. Oh, c'est même carrément international là. Hein. Oui. Le 19 mai, donc, a signalé la forte présence d'ATTAC France à la manifestation contre l'austérité qui s'est déroulée à Francfort-sur-le-Main. Et qui a regroupé environ 25 000 manifestants, dont quelques membres d'ATTAC Métropole. Et dont, justement, Antoine disait pendant le meeting qu'on n'a pas vu un mot dans la presse régionale sur ce thème. Effectivement, pas une image, 5000 policiers qui quadrillaient Francfort. Germain peut en parler, je crois que tu y étais, toi aussi René. Oui, exact. Voilà, c'est, je crois que c'est vraiment honteux. Je crois qu'il y a vraiment un silence assourdissant des médias dominants, ou plutôt dominés, comme j'ai dit hier soir. Et je pense que ça compense en fait ce qu'on a eu le 1er et 2 novembre 2011, quand il y a eu le contre-sommet du G8-G20 donc à Nice, où là, ça avait été médiatisé. Je pense qu'il y a un peu oui. une peur en fait, des pouvoirs financiers de faire en sorte que... de ces images de 25 000 manifestants européens. Soyons optimistes, on leur fait peur. Le 9 juin a eu lieu à Paris un après-midi débat sur le thème de Rio plus 20, justement, à l'initiative d'un collectif dans lequel s'inscrit Attaque France, en partenariat avec Mediapart, Basta, Politis. Alors, consistait en table ronde sur le décryptage des enjeux de Rio plus 20 et de l'économie verte, et sur la justice sociale et écologique, avec ateliers thématiques. J'interromps une seconde, puisque Germain nous a ramené une bande-son de l'Allemagne de Francfort. Voilà, pour sentir un peu l'ambiance qu'il y avait, je vous fais écouter voilà. ça. Merci Germain. Voilà une ambiance de carioca, une ambiance de fête qui est à Francfort. Méfiez-vous, Germain, toujours un micro dans la poche, il vous enregistrera même quand vous ne le savez pas. Là, il savait tout le monde. Le 23 juin, René, on reprend. Je sais qu'il y a un certain nombre de rendez-vous qui vont être décrits par Antoine tout à l'heure, mais en deux mots. Oui, donc le 23 juin à Paris, assises des collectifs d'audit citoyens de la dette publique. Du 7 au 11 juillet, Forum européen contre les grands projets inutiles qui aura lieu symboliquement à Notre-Dame-des-Landes, Loire-Atlantique. Et là, on peut être sûr que Germain aura son micro. En plus, c'est vrai que c'est un peu mes origines là-bas, donc j'y serai effectivement. Du 20 au 27 juillet, Alter Village à Saint-Jean-des-Ollières dans le Puy-de-Dôme. Et du 24 au 27 août, Université citoyenne d'Attaque à Toulouse-le-Mirail. Bien, j'ajoute encore un mot, René, qui a rejoint le groupe de la commission Attaque France sur l'eau, hein, qui va se remettre en route maintenant après avoir participé aux femmes au mois d'avril. C'est février-mars, oui, début-mars. On va faire une pause musicale, Germain, si tu veux bien. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village caché sous les fleurs sauvages, sur le versant d'un coteau. C'est à Madureira. Sortir des maisonnettes pour s'en aller à la fête des samba. Et tu verras grimpant le long des collines, des filles à la taille fine avancer à petits pas. Et les fanfares dans ce joyeux tintamarre emmener les flots bizarres des écoles de samba. Qui prépare le bal et s'en vont pour le carnaval. Répétez la cadence de la plus folle des danses, celle de Madureira. Le long des collines, des filles à la taille fine avancer à petits pas. Et les fanfares dans ce joyeux tintamarre emmener le flot bizarre des écoles de samba. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village caché sous les fleurs sauvages, sur le versant d'un coteau. Si tu vas à Rio, si tu vas à Rio, si tu vas à Rio. Dario Moreno pour nous mettre en forme ce soir, les amis. René, c'est à toi. Eh bien, nous allons aborder là la partie la plus importante de l'émission, peut-être. Donc avec Jean et Gérard qui vont nous parler de Rio plus 20 et de ses enjeux. Auparavant, juste une petite présentation, un petit rappel de ce qu'est Rio plus 20. Donc c'est le sommet qui fait suite au sommet de Rio 92 et aussi de Johannesburg en 2002. On attend plus de 50 000 participants, donc représentants des gouvernements, de la société civile, du secteur industriel. Alors, au plan officiel, Rio plus 20, c'est une conférence des Nations Unies sur le développement durable qui dure du 20 au 22 juin et où 192 États sont représentés. Mais il y a également un forum alternatif qu'on appelle le Sommet des Peuples, qui est déjà en route d'ailleurs, puisqu'il a commencé le 15 juin et qu'il se terminera le 23. Alors le sommet officiel présente une nouvelle gouvernance mondiale de l'environnement avec trois enjeux. Définition d'une vision commune de l'économie verte et équitable dans la ligne de 1992. Mise en place de structures de gouvernance mondiale du développement durable et de l'environnement avec implication de la société civile et de la communauté scientifique. Et accord sur des indicateurs de développement durable valables pour tous les pays dans le prolongement des objectifs du millénaire de développement. La France a fait quelques propositions. La mise en place d'une agence mondiale de l'environnement, qui serait une nouvelle institution onusienne, pour une meilleure prise en compte, paraît-il, du rôle de la société civile, propose aussi de développer des financements innovants, je cite. Enfin, il y a quand même la TTF, la taxe sur les transactions financières, et un suivi donc qu'on appelle l'agenda post-Rio. Voilà. On sait également que jusqu'à maintenant, les différentes délégations ne sont pas parvenues à s'accorder sur un texte commun, bien que la dernière proposition venait du Brésil, elle a été rejetée par la France et l'Allemagne. Voilà, donc une introduction qui introduit vraiment le débat. On va procéder peut-être aux questions avec nos invités. D'accord. Justement, à signaler aussi qu'il y a bien sûr, à côté du sommet officiel, je rappelle, le sommet alternatif. Tu l'as dit. Qui, lui, ne croit pas justement aux propositions officielles. D'accord. On peut se demander aussi pourquoi ce sommet se fait à Rio, parce qu'il suffit de regarder autour de soi, comme le disent nos correspondants, pour s'apercevoir en 20 ans ce qu'a fait le développement durable, en fait. Il y a une des baies de Rio qui est une véritable poubelle à ciel ouvert. D'autre part, les favelas, les bidonvilles, côtoient effectivement des villas extrêmement riches, donc les inégalités, on les voit. Et à 300 mètres alors du bâtiment officiel, passe une rivière qui est tellement polluée que lorsque les vents sont dans le bon sens, ça exhale une odeur absolument pestilentielle. Donc pourquoi ils ont fait ça là-bas, on peut encore se le demander. Ou alors c'est pour que tout le monde voit ce que c'est que le développement durable. Non durable. Voilà. C'était une intervention, vous l'avez compris, de Gérard, toujours très concret, et c'est très précieux pour comprendre les problèmes climatiques et autres. C'est exact. Et justement, j'en viens donc aux questions. Alors, il semble que depuis la conférence donc de Rio en 92, qui avait, elle, suscité beaucoup d'espoir, on ait assisté à une série d'échecs, voire de reculs, qui ont marqué les différents sommets qui l'ont suivi. Déjà, on peut signaler l'échec du sommet sur le climat à Copenhague en 2009, la non-ratification, le non-respect par plusieurs États du protocole de Kyoto, les objectifs de réduction de la pauvreté qu'on appelait objectifs du millénaire du développement, ils n'ont pas été atteints, des effets pervers induits par les institutions en place, comme par exemple le marché des émissions de CO2, des récupérations faites par les multinationales, notamment Monsanto, et des reculs, notamment la conférence de Durban l'année dernière, qui ne reconnaissait plus la responsabilité historique des États industrialisés. Avec les précisions concrètes de Gérard, on a les précisions des événements par René. C'est magnifique. Voilà. Oui, alors merci de cette introduction. René, en fait, tu as dit déjà beaucoup de choses. Ça va me permettre d'aller plus vite à l'essentiel. En effet, en 20 ans, on peut dire que sur le plan des institutions, des États et des Nations Unies, c'est un énorme recul. Et d'ailleurs, ça va se traduire dans le texte de la déclaration finale qu'on connaîtra demain, mais qu'on connaît déjà dans ses grandes lignes, qui va être d'une faiblesse désolante. Mais pour autant, nous ne baissons pas les bras parce que, en revanche, il y a une réelle et une forte mobilisation de la société civile, y compris d'ailleurs à Rio. Il y avait hier une manifestation de 50 000 personnes que l'on peut visionner sur des vidéos qui circulent actuellement. Mais le mécontentement des ONG sur place est tel que aujourd'hui même, certaines d'entre elles ont proposé au collectif de quitter le sommet officiel auquel elles étaient invitées. Et donc, elles en débattent. Alors, d'où vient ce mécontentement et cette impression de recul? Je n'en resterai pas au mécontentement et au recul, parce qu'il y a aussi eu des avancées, mais pas du côté des institutions internationales. La conférence de Rio de 1992 était une avancée historique. Elle contenait, sur le papier en tout cas, des déclarations, des intentions, des principes très forts qui sont aujourd'hui pour la plupart absents, y compris le principe de précaution, y compris la notion de développement soutenable au sens plein, c'est-à-dire économique, écologique, sociale et démocratique. Elle mettait en avant des conventions sur le climat, sur la biodiversité, contre la désertification. Elle lançait des agendas 21 dont certains ont produit des effets positifs, en particulier sur les territoires. Mmh. Elle mettait en avant le besoin de normes environnementales contraignantes, le principe pollueur-payeur, et pas du tout de marché de droit à polluer comme ça s'est fait depuis. Donc le marché n'intervenait pas encore dans les principes élaborés à cette conférence. Les milieux d'affaires étaient peu présents il y a 20 ans. Et en revanche, les ONG étaient en position de force. De force. Justement, on sait quand... Enfin, j'ai lu qu'en 1995, s'est créé le World Business Council for Sustainable Development, qui regroupe les multinationales, justement, sur la question du développement durable. Est-ce que ce groupe, qu'on suppose puissant, a eu une influence néfaste sur l'évolution des décisions des États depuis Rio 92? Oui, c'est sans doute la forme principale de mobilisation des grands intérêts privés, des multinationales et de la finance pour faire pression sur les Nations Unies et pour tenter d'investir les Nations Unies, non sans succès d'ailleurs. On peut expliquer le fait que les textes des Nations Unies de 2012 soient en très net recul par rapport aux textes de 1992 par la pression des multinationales et des grands intérêts privés sur toutes les institutions. Tout en se présentant sous un beau jour, en disant « Nous, enfin, les multinationales, nous allons nous pencher aussi sur le problème de l'environnement. De... » Bien sûr, il s'agissait de se donner une belle image tout en poursuivant des stratégies dont je vais parler dans un instant. Alors, cela dit, pour ne pas en rester à ce constat un peu déprimant du recul, les choses ont bougé dans un tout autre sens du côté de la société civile, des citoyens, et on pourrait dire de la prise de conscience internationale de la gravité de la crise écologique. On n'en est plus aujourd'hui, à cet égard, à la situation de 1992. La préparation, certes, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, la conférence de Copenhague sur le climat a été un échec sur le plan institutionnel, mais sa préparation dans le monde entier a mobilisé des millions de citoyens. Il y avait 60 000 personnes à Copenhague dans le froid en plein décembre au moment de cette conférence. Ça a été un moment très, très fort. Et donc, il faut tenir les deux bouts dans ce constat. D'un côté, en effet, pour l'instant, des reculs institutionnels. De l'autre, une vraie présence de la société civile et des citoyens des territoires. Beaucoup de choses se sont passées, en particulier à l'échelle des territoires, des régions, des localités. Il y a eu des avancées beaucoup plus importantes à ce niveau qu'au niveau des États et des Nations Unies. Voilà donc ce qui, point de vue, peut être retenu de cette... Est-ce que cette société civile, justement, est-elle vraiment entendue, est-ce que son message est-il bien retransmis par les médias? Personnellement, alors, je ne le pense pas. Non, certainement, on a un vrai problème de collusion entre les grands médias, les milieux d'affaires et les personnalités politiques qui sont les plus proches de ces milieux d'affaires. En même temps, on ne peut pas nier qu'un certain nombre d'actions, d'associations comme les Amis de la Terre que représente Gérard Gabi, comme ATTAC, comme Greenpeace, comme beaucoup d'autres, ont eu une audience qui aujourd'hui est sans commune mesure avec ce qu'elle était il y a 20 ans. Il faut aussi tenir compte d'un certain nombre de progrès. Et maintenant, pour en revenir à ce qu'essaie de développer brièvement le capitalisme financier, il faut là aussi être nuancé. D'un côté, il semble très fort, et de l'autre, il est en crise extrêmement grave, extrêmement profonde. C'est exact. En particulier, il est confronté à une crise écologique avec laquelle il va devoir composer en essayant de trouver des solutions dans sa logique. Ces solutions ne marcheront pas, mais ils les mettent en œuvre et ils ont pour l'instant les moyens de le faire. Je voudrais citer le commissaire à l'environnement de l'Union européenne, qui résume bien, qui est un bon support des multinationales, disant « Nous devons passer d'une situation où l'environnement était protégé du business au fait d'utiliser le business pour protéger l'environnement. » Eh bien, c'est ce contre quoi il va falloir nous battre. Oui, justement à ce propos, d'autant plus que cette nouvelle économie verte se présente sous de beaux atours avec de belles déclarations d'intention. La frontière entre capitalisme vert et véritable transition écologique va parfois être très ténue. Il ne sera sans doute pas toujours facile de distinguer l'un de l'autre, même pour des gens avertis, un peu comme vous et, d'une moindre mesure, nous. Quel point de repère pourrait nous y aider ? Est-ce que, Gérard, pourrais-tu donner quelques moyens de distinguer le bon grain de l'ivraie ? Alors, j'aimerais bien pouvoir donner des repères, parce qu'effectivement, c'est extrêmement difficile. Je vais vous donner, par exemple, le mécanisme RED, R-E-2-D, hein, qui est en fait un programme qui entend, qui prétend protéger les forêts, hein, au niveau de la déforestation et de la dégradation. Donc on s'est rendu compte, effectivement, en particulier au niveau de la forêt amazonienne, que bon, c'est le poumon vert de la planète, que c'était vraiment incroyable de continuer à déforester comme ça. Bon, alors les financiers se sont dit, puisque c'est un puits de carbone, hein, puisque c'est un poumon, on va valoriser ce carbone dans le marché, puisque le marché existe. Et donc, ils essayent de mettre en œuvre ce programme RED. En faisant quoi ? Ils achètent des titres, des crédits carbone correspondant à des morceaux de forêt. Et ces crédits carbone, alors avec la complicité des autorités locales et nationales, hein, évidemment. Et ces crédits carbone, à partir du moment où ils les ont acquis, ça leur permet de continuer chez eux à polluer, hein, et à ne pas réduire les émissions de leurs propres émissions, hein, de dioxyde de carbone. Ce qui, je le rappelle, est quand même l'objectif. Pour eux, l'objectif, c'est de dire « j'émets 100 000 tonnes » de dioxyde de carbone, j'achète pour 100 000 tonnes de crédit forestier. Voilà, j'ai compensé. Pour pas trop cher. Ah oui, pour le moins cher possible. Mais le problème, ce n'est pas de compenser, c'est que nous devons absolument réduire les émissions. Alors, de manière officielle en France, c'est le facteur 4, c'est-à-dire de 75% d'ici 2050, mais en fait, c'est déjà dépassé. La feuille de route de l'Union européenne, c'est 80 à 95% qu'il faut réduire. Donc ça ne sert à rien. D'autre part, comment évaluer la teneur en carbone d'une forêt ? Alors c'est là où vous avez un certain nombre d'experts qui s'amusent à évaluer ça. Bon, en admettant, alors ils essayent d'introduire ça donc, dans le marché carbone. En admettant qu'ils y arrivent, premièrement, il peut y avoir des fuites de carbone. Ça veut dire qu'une forêt qui est comme ça, on va dire privatisé à un endroit donné, 200 km plus loin, ça ne les empêchera pas d'aller en déforester une autre. Deuxièmement, une forêt. Il faut bien se rendre compte qu'on va de plus en plus vers un dérèglement climatique de plus en plus intense. C'est-à-dire qu'on craint de plus en plus des incendies. Une forêt les bouts de forêt pour lesquels on aurait donné un crédit carbone et qui part en flamme, le crédit carbone ne vaut plus rien. On craint également, parce qu'on s'en est aperçu à différentes reprises, que le stress hydrique d'un certain nombre de forêts, y compris amazoniennes, déclenche ce qu'on appelle une rétroaction. C'est-à-dire au lieu d'être des puits de carbone, c'est-à-dire d'absorber le carbone, ils deviennent des sources. Tu parles de stress hydrique. De stress... Oui, de stress hydrique. Mmh. Hein, c'est-à-dire en fait quand il y a des sécheresses très importantes. Donc vous voyez que c'est très dangereux, ces crédits carbone qui peuvent très vite devenir fictifs. Donc ça c'est raide. En plus, alors, le gros inconvénient pour nous, amis de la Terre, c'est qu'un bout de forêt comme ça qui est sanctuarisé, on éjecte de gré ou de force, en employant des paramilitaires, les populations locales. Donc, d'ailleurs, alors, l'une des anecdotes, mais qui est pas très marrante pour les gens qui habitaient là-bas, ils l'ont fait, alors je ne sais plus où c'était, mais les gens, les puits d'eau se trouvaient dans le périmètre qui avait été acquis comme ça. Et du jour au lendemain, ils n'ont plus pu pénétrer. Ils n'avaient plus d'accès à l'eau. Donc ils devaient faire des kilomètres pour avoir accès à l'eau. Alors ils ont réussi à réobtenir un droit d'entrée, mais ils ont dû se battre pendant des mois, quoi. Alors, c'est un dispositif qui est très raide. Oui. Mais est-ce que les institutions onusiennes, quand même, celles qui défendent, qui se basent sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne protestent pas ? Alors, comme l'a dit Jean, les institutions onusiennes sont maintenant infiltrées par, effectivement, les multinationales et les banques. D'ailleurs, elles ont créé, à l'occasion de Rio, une espèce d'appendice qui s'appelle PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement-finance. Et ça a été complètement intégré dans les institutions de l'ONU. Et effectivement, siège dans cet appendice tous les grands de ce monde au niveau des transnationales et des marchés financiers. Le verre est dans le fruit, alors. Absolument. On va faire une coupure après cette intervention d'Antoine. Un peu de musique. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut du c'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green. On cache les galets sous le sable. On veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables. On voudrait quatre bars tout le temps. Des orgies raisonnables. Des grands échangeurs de béton. Et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du green. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green. On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques, des forêts pour nos 4x4. C'était le groupe Trio qui chantait Greenwashing. Greenwashing, c'est un mot à la mode, Jean. Oui, bonne chanson en effet. Alors, le greenwashing, c'est quelque chose qui enveloppe l'ensemble des stratégies des multinationales qui cherchent aujourd'hui à investir la nature comme source de profit et à étendre leurs frontières. Au fond, l'idée, c'est comment dépenser et investir peu pour améliorer beaucoup son image. Voilà ce qu'essaient de faire et que parviennent en partie à faire un certain nombre de très grandes entreprises, disant, ben voilà, on va faire un petit quelque chose pour la planète, comme on dit. On va le mettre en valeur et on va faire des publicités fantastiques à partir de ce petit quelque chose qui ne nous coûte pas grand-chose. Et à côté de ça, on fera silence sur ce que nous continuons à faire en termes de déforestation, en termes d'utilisation de cultures pour agrocarburants ou de soja transgénique, ou en termes d'utilisation de transports insoutenables émettant des tonnes de CO2. Voilà ce que c'est le greenwashing. Faire un petit peu pour la planète et en faire beaucoup en termes d'image. Maximum de rendement pour une image améliorée. Germain avait une question à poser à... C'était pour Gérard. À Gérard, oui. Tu parlais donc des effets forestiers de la taxe carbone. Et donc, moi, j'avais lu que finalement, on replante aussi des essences d'arbres qui ne sont pas originaires du cru et qui ont un meilleur rendement carbone. C'est finalement une façon qu'a le marché, qui est un réseau virtuel, de se couper de la réalité concrète des écosystèmes, où finalement une forêt a un petit peu une action écologique sur un périmètre, Et enfin, comment est-ce que vous voyez ça aux amis de la Terre ? Un véritable drame. À partir du moment où on considère une forêt uniquement sous l'aspect carbone, effectivement, on peut se permettre, et le marché le permet, de raser une forêt et de mettre à la place des arbres à croissance rapide, de type eucalyptus, de type palmier à huile ou autre. Et c'est admis, on l'admet. Mais seulement quand on rase une forêt, il n'y a pas que le carbone, il y a effectivement, comme tu le dis, tout l'écosystème, la flore, la faune et la pharmacopée. Il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de médicaments qui proviennent effectivement des forêts. C'est un véritable drame. Oui, si je peux juste compléter et approuver, pour prendre l'exemple des forêts, mais on pourrait prendre bien d'autres exemples. Limiter un écosystème, par exemple forestier, à une seule fonction qui va donner lieu à un marché, ça peut être ne produire que du bois et le plus possible de bois. Ça peut être ne séquestrer que le carbone et séquestrer le plus possible de carbone. Limiter ça à une seule fonction, c'est la négation même de la notion d'écosystème qui signifie un système vivant naturel ayant de multiples fonctions en interaction et formant justement système. Autrement dit, ceux qui nous parlent aujourd'hui de services écosystémiques de la nature avec l'idée d'isoler ces services pour en faire à chaque fois des marchés sont des gens qui sont prêts à détruire les écosystèmes. Ah ben voilà. Merci pour l'optimisme, mais effectivement, je crois qu'il faut être très conscient de la situation. René, peut-être, tu as une question supplémentaire à nos invités. Oui, je voyais quand même dans la manière dont, justement, ce capitalisme qui voudrait nous donner une image verte, qui n'arrête pas de nous dire, finalement, maintenant, c'est plus possible, il faut qu'on change, il faut qu'on arrête avec... Enfin, les combustibles fossiles touchent à leur fin, le réchauffement climatique devient un sérieux problème, donc il faut verdir le capitalisme. Mais on sait par ailleurs qu'il se lance largement dans l'exploitation de nouveaux types d'hydrocarbures tels les sables bitumineux au Canada, les pétroles et gaz de schiste dans divers endroits du monde, qui sont quand même des hydrocarbures dont la production est beaucoup plus polluante encore que les hydrocarbures conventionnels. Il y a quand même là une sérieuse contradiction, même vis-à-vis de l'opinion publique, même s'il arrive à cacher, à présenter une image, une vitrine un peu verte, je pense que l'opinion publique va finir par s'en rendre compte. Tout ça ne peut marcher que si ces grands acteurs du capitalisme financier mettent en place un système de domination idéologique suffisamment fort pour tenter d'enrôler les gens dans leur course à la nature. Par exemple, en leur disant « Vous savez, c'est peut-être pas si grave que ça, les dommages écologiques liés à l'exploitation des sables bitumineux, parce que c'est la seule solution pour que vous continuiez à pouvoir rouler en voiture. Et vous avez besoin, mes amis, de rouler en voiture. » Et donc, en ne posant jamais la question de la transformation des modes de vie, des modes de mobilité, ils peuvent tenter de faire passer l'idée qu'on a besoin de toute une série de dégradations dont ils vont s'occuper. Moi, je crois qu'il faut voir le capitalisme financier aujourd'hui confronté à cette crise écologique comme bourré en effet de contradictions, mais tentant de les surmonter en allant toujours plus en avant. Il a trois fers au feu, trois stratégies. La première stratégie, c'est face à la crise énergétique, il va falloir aller beaucoup plus loin dans l'appropriation des ressources du sous-sol, mais aussi des terres, mais aussi de toute une série de constructions de méga-barrages. Il faut aller plus loin parce que la croissance mondiale exige toujours plus de ressources du sol, du sous-sol et de la nature. Et donc, il est lancé dans une course-poursuite d'exploitation destructrice de la nature. La deuxième piste qu'il a, c'est que la nature, c'est un truc que l'homme doit pouvoir artificialiser et industrialiser. Et donc, de la même façon qu'on a produit les OGM, on s'apprête, sur la base de recherches qui coûtent très cher, à produire, à partir de la nature, toute une série de produits pharmaceutiques, plastiques, fibres, produits chimiques, etc. Et puis la troisième stratégie, mais Gérard en a bien parlé, Gérard Caby, c'est financiariser les services de la nature, quitte à détruire les écosystèmes. Voilà, ce sont les trois stratégies. Elles sont contradictoires. Elles vont se heurter aux limites de la planète. Il ne sera pas possible de poursuivre une croissance infinie dans un monde fini. Mais ils ne le savent pas, ou bien en tout cas, ils ne veulent pas le savoir, parce qu'ils sont guidés par un seul objectif, qui est un objectif de court terme. Le long terme n'est pas leur problème. Satisfaire les actionnaires, c'est un objectif de court terme. Voilà. Voilà, je crois que ce sera la conclusion. Un mot peut-être, Gérard ? Oui, alors au niveau français, par exemple, les mesures de compensation par rapport à la nature sont déjà à l'œuvre. Je vais prendre quelques exemples. Vous avez l'autoroute A65, Langopo, qui a provoqué beaucoup de débats. En particulier, les associations se sont montées contre ce projet. Et effectivement, elles ont fait valoir les territoires qui étaient détruits. Bon, qu'est-ce qu'on a imaginé ? Alors d'abord, des mesures d'évitement, c'est-à-dire qu'on est passé à côté d'un certain nombre de sites quand on le pouvait. Des mesures d'atténuation, c'est-à-dire qu'on a, quand on le pouvait, fabriqué des corridors, soit en hauteur, soit souterrain. Et puis ces fameuses mesures de compensation. Par exemple, pour l'A65, on est en train de rechercher des terrains dans l'Aquitaine qui sont soi-disant équivalents. C'est exactement un exemple, pour exemplifier, je peux dire ce que vient de dire Jean, on avance au risque des contradictions, on fait autre chose. Voilà. Et puis, il n'y a pas de raison d'être trop pessimiste non plus, parce que s'il est vrai qu'ils ont des stratégies destructrices, nous avons à notre actif des succès. Nous avons stoppé un certain nombre de projets, nous avons soutenu la diffusion d'agriculture alternative, d'énergie alternative, de finances alternatives. Et c'est ça, au fond, qui est la seule vraie solution à la crise du capitalisme financier. Seulement, il faut faire attention aux termes. Parce que les financiers et les autres ont effectivement un véritable don pour faire passer les choses. Par exemple, ce dont je viens de parler est englobé dans ce qu'ils appellent maintenant l'ingénierie écologique. C'est-à-dire que dans l'ingénierie économique, effectivement, on évalue un certain nombre d'écosystèmes. Alors pas forcément pour faire de la compensation, mais sur demande des collectivités. Donc ça, effectivement, ça peut être valable. Mais on englobe ça. Alors moi, il y a un terme, par exemple, que je viens de découvrir. Ils appellent dette écologique, effectivement, le fait de... quand ils détruisent un écosystème quelque part, pour une route... une voie ferrée, un aéroport, ils disent maintenant, j'ai une dette écologique. Et cette dette, je la paye par des unités, donc par des unités ou par de la compensation. Mais le terme dette écologique, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui, depuis Copenhague, concerne effectivement les rapports nord-sud, effectivement la dette que nous avons, nous, vis-à-vis des pays pauvres et des pays du Sud. Mais vous voyez comment on a détourné le terme ? Voilà. Tout à fait. Peut-être en conclusion, je voudrais simplement citer cette phrase. Je reprends les termes de Geneviève Azam et Michel Lowy dans un article du Journal des Alternatives de décembre 2011. L'économie verte, au lieu de prendre en compte l'inscription des activités économiques dans la biosphère, inclut les éléments de la biosphère dans le circuit de reproduction du capital. C'est un bon critère de distinction en réponse à la question qui était posée tout à l'heure, comment distinguer les projets du capitalisme financier vert d'une véritable économie mise au service de l'humain. Tout à fait. Voilà, merci à tous les quatre. Si les auditeurs ont compris autant de choses que moi, on a vraiment fait un travail d'éducation populaire ce soir. On fait un peu de musique avec Germain. We'll be right back. Voilà, des conseils de lecture comme d'habitude, mais un peu particuliers ce soir, les conseils de lecture. Nous avons lancé, à l'initiative de Jean Gadret d'ailleurs, dans le cadre des assises de la métropole contre la dette publique, un certain nombre de courriers aux candidats aux élections législatives. Et on leur posait une question double. Quelle est votre position vis-à-vis du pacte budgétaire et qu'est-ce que vous pensez d'un référendum sur le pacte budgétaire? Eh bien, nous avons eu des réponses. Peu, malheureusement, mais quand même quelques-unes. On a eu en tout 9 réponses. Alors, une majorité de front de gauche, c'est pas vraiment une surprise, 5 personnes, un écologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts, une UMP, un apparenté UMP et, curieusement, un anonyme de droite, on va dire, pour faire simple. Plus une partie socialiste. Mais j'ai pas eu ça. Ah bon, pourrais compléter. Tu pourras compléter. Alors, que disent ces réponses? D'abord, on les remercie également toutes d'avoir pris du temps pour nous répondre. Que disent-elles ces réponses? Eh bien, pour l'UMP, Françoise Ostalier, dans le 15e arrondissement, dans la 15e circonscription, pardon, l'argument tient en quelques mots. Elle dit « Lisez le dernier numéro du Point et vous verrez ce qu'on pense. La France des tirs au flanc. Pourquoi ça ne peut plus durer ?» Voilà, on ne peut pas faire plus simple, plus violent non plus dans les termes. En fait, quand on sait que le Point est tenu par François-Olivier Gisbert, qui est régulièrement invité sur les chaînes publiques en plus, on peut se poser des questions. Mais Françoise Ostalier va plus loin. La France vit au-dessus de ses moyens, rengaine. Et je ne souhaite pas, dit-elle, que les Chinois ou les Saoudiens tiennent les cordons de la dette française. C'est magnifique. Par contre, les fonds de pension américains, là, pas de problème. Ça n'a pas l'air de lui poser de questions. Donc Sarkozy a raison avec la règle d'or. Donc le pacte budgétaire est une bonne chose. Voilà. Il ne suffit que de se mettre au garde-fou. Au moins avec Françoise Ostalier, on sait qui sont nos adversaires. L'apparenté UMP Jean-Pierre de Caulle est plus soft, lui, puisqu'il trouve que le pacte budgétaire va harmoniser l'action des États par une démarche européenne, on aimerait y croire. Et puis, effectivement, il est soucieux de la démocratie. Il suggère même que le référendum, c'est pas forcément une mauvaise idée. L'anonyme, lui, souhaite le renforcement de la discipline budgétaire et la solidarité européenne, qui sont les premières conditions de la nouvelle croissance. Très bien. On ne sait pas de quelle croissance il parle, bien sûr. La candidate Europe Écologie Les Verts, Lisette Sudic, est tout à fait d'accord avec ce référendum. Elle est dans la 10e circonscription. Les citoyens doivent pouvoir reprendre le pouvoir qu'on leur a volé, dit-elle. Je regarde l'heure en même temps. Les gens qui ont écrit donc du côté du front de gauche ont pris la plume et ont pris du temps pour écrire et expliquer ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils veulent que les choses changent. Nadine Savary, dans la 6e, parle de la rationalisation des financements de l'aide publique et de la relance de l'emploi et de l'économie. Bernard Debreu, dans la 5e, demande qu'on se mette d'accord sur le contenu de la croissance. Joseph de Mellenester dit tout simplement qu'il faut annuler toutes ces créances. On l'a déjà fait sous Philippe Lebel et ça n'a pas mal marché du tout. Hugo Bernalicis rappelle une chose importante et je terminerai là-dessus. Il dit que le traité de la stabilité, la coordination et de la gouvernance budgétaire en Europe n'est pas satisfaisant pour la France. Et si on ne le ratifie pas, il ne sera pas applicable pour la France. Et du coup, pour Hugo, c'est simple. La France propose à ses partenaires européens de modifier les directives européennes. Sinon, eh bien, il faut exiger le compromis de Luxembourg qui permet de ne pas appliquer certains textes européens quand l'intérêt supérieur du pays est en jeu. Voilà. Eh bien, Antoine, ça va être à toi. Oui, bonjour. Pour le calendrier militant d'Attaque Lille, donc de cet été 2012, l'été 2012 annonce différents rendez-vous altermondialistes en dehors de la région Nord-Pas-de-Calais. En effet, une rencontre nationale des collectifs d'audit citoyens de la dette fera le point sur la mobilisation et sur les perspectives ainsi que sur le pacte budgétaire. Ce sera toute la journée du 23 juin à la Bourse du Travail, située au 29 boulevard du Temple à Paris, près de la place de la République. Et un meeting de solidarité avec le peuple grec, comme l'a dit René, clôturera cette journée à la Rotonde, place de Stalingrad, dans le 19e arrondissement. Pour plus d'informations, surfez sur audit-citoyen.org. Une autre rencontre d'été, unie contre la dette, sera organisée par le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde les 7 et 8 juillet au centre de la Marlagne, à Namur, en Belgique. Pour y participer, inscrivez-vous en ligne via cadtm.org. Alors que les dettes s'accroissent, des projets inutiles se développent en Europe, comme celui de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes au nord de Nantes, la ligne LGV en Pays Basque, le TAV en Italie et Stuttgart 21 en Allemagne. Au niveau local, il y a, ou plutôt il y a eu, le projet du grand stade de Lille à Villeneuve-d'Ascq qui est déjà construit et qui se dresse non loin des studios de Radio Campus. Tous les militants contre tous ces projets croiseront leur expérience lors d'un forum du 7 au 11 juillet, sur le site de la Noé Verte de la Paquelée qui se situe à Vigneux-de-Bretagne, près de Nantes. Rassurez-vous, c'est un peu compliqué, mais ça se trouve, comme disait René, à côté de Notre-Dame-des-Landes. Vous pouvez trouver plus d'informations sur http://forum-gpii-2012-ndl.blogspot.com. Puis, Attaque France a deux rendez-vous estivaux importants. Tout d'abord, l'Alter Village, espace temporaire constitué d'ateliers, de débats et d'entraînement à des techniques militantes. Ce sera du 20 au 27 juillet au centre d'ailleurs, au lieu dit Chavarot, à Saint-Jean-des-Aulières, dans le Puy-de-Dôme. Ensuite, l'Université citoyenne d'été et ses plénières autour de la refondation de l'Europe et de la démocratie, ainsi que de la transition écologique et des mouvements sociaux face aux politiques d'austérité, avec la participation notamment d'Edgar Morin, José Bové et Paul Ariès. Plus de 40 ateliers y sont prévus, regroupés en filières thématiques, renvoyant au dépassement du capitalisme, à la mise en place de stratégies de résistance, aux indignations et aux exigences démocratiques, aux alternatives, ainsi qu'aux dettes sociales, financières et écologiques. Ce sera du 24 au 27 août à l'Université du Mirail à Toulouse. Pour ces deux rendez-vous altermondialisme, inscription, programme et information pratique via france.attaque.org. Plus près de Lille, le cabaret de l'Union aura comme thème « Mémoire d'usine » demain vendredi 22 juin de 19h à 23h. Non plus au théâtre Pierre de Roubaix, mais à la forge de l'usine Cavrois-Mailleux au 117 rue Montgolfier à Roubaix. Quant au comité d'Attaque Lille, nous irons à la Maison régionale de l'environnement et des solidarités au 23 rue Gosselet à Lille le 25 juin à 19h30 pour préciser notre point de vue sur le thème de l'eau. Sinon, les indignés lillois tiennent toujours le pavé à travers leur réunion en plein air le deuxième vendredi du mois, toutes les deux semaines, place Richebet à Lille. Retrouvez leur programme via Réelle Démocratie, sans accent et d'un seul tenant, -lille.fr. Comme d'habitude, ce calendrier militant peut être retrouvé via attaquelille.over-blog.com. La prochaine émission d'Angle d'Attaque, le jeudi 19 juillet prochain, reviendra sur le nucléaire civil et ses déchets. À bientôt. Merci, merci Antoine, merci à tous. Nous avons tenu le direct dans les temps impartis. Il nous reste 30 secondes. Je n'ai plus grand-chose à dire, si ce n'est que passer une bonne soirée et pour certains, passer de bonnes vacances.